Dans Futur Simple se poursuit sur les ondes de CKRL et François Grégoire, qui aime bien éplucher les actualités scientifiques, nous en a retenu deux pour aujourd'hui. La première, eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, le monde est divisé en deux types de personnes. Non, je ne parle pas des hommes et des femmes, je veux parler des lève-tôt et des couche-tard. Mais qui a l'avantage sur l'autre? Eh bien, la réponse va nous surprendre, je crois, François. Oui, alors être une personne matinale peut d'emblée sembler un avantage énorme dans la société d'aujourd'hui qui vit à un rythme accéléré. La plupart des bureaux ouvrent avant 8 heures le matin et après tout, on dit aussi que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mm-hmm. Alors cependant, de nouvelles études ont montré que les oiseaux de nuit ont tendance à être plus intelligents que leurs homologues lèvent tôt. Alors, des études approfondies de la London School of Economics ont déterminé que les gens qui vont se coucher tard et qui dorment tard le matin montrent un plus grand niveau de complexité cognitive que ceux qui vont au lit et se lèvent, qui vont tôt au lit et qui se lèvent tôt. Et ce n'est pas tout, des recherches antérieures ont démontré aussi, en fait, qu'ils sont plus créatifs. C'est intriguant. Oui, effectivement. Alors, si vous pensez rester debout plus tard dans l'espoir de stimuler la puissance de votre cerveau pour être plus intelligent le lendemain, alors désolé, ça ne fonctionne pas de cette façon. Dommage. Oui, alors on dit que les noctambules ne sont pas plus intelligents parce qu'ils se couchent tard. En fait, c'est que leurs habitudes nocturnes sont le résultat de leur intelligence. En fait, selon le chercheur Satoshi Kanazawa de la London School of Economics. Alors, selon lui, les humains ont la capacité unique de passer outre leur horloge biologique interne et de ses cycles rythmiques, alors contrairement aux autres espèces des mammifères. En d'autres termes, les humains sont en mesure de décider quand ils vont dormir et les autres personnes ayant un quotient intellectuel plus élevé sont plus susceptibles de vouloir rester éveillés quelques heures de plus. C'est vraiment troublant quand même. Moi, je pensais que il suffisait de se coucher tard et puis qu'on allait devenir intelligent, mais là, tu me dis que je pourrais même pas essayer passé, ça. C'est ça. C'est le résultat de l'intelligence. Ouais. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils ont aussi le contrôle total sur le moment où ils veulent dormir? Alors, des études ont montré que le choix de dormir tôt versus dormir tard et le fait de se sentir plus énergique le matin versus le soir est déterminé génétiquement dans une proportion d'au moins 50%. C'est quand même pas mal. De plus, votre préférence va probablement changer avec l'âge. Alors, on le sait, alors les gens dans la vingtaine sont beaucoup plus susceptibles de se coucher tard que les personnes âgées, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'en vieillissant, on devient moins intelligent? Non, je crois pas. Non? Non. OK. C'est un processus normal. Alors, il n'y a donc pas que que des mauvaises nouvelles pour les personnes matinales. Les lève-tôt ont tendance à être plus consciencieux et agréables, alors que les vespéraux sont plus névrotiques et instables émotivement, selon le psychiatre néerlandais Walter van den Broek. Alors, cependant, peu importe le moment où vous allez au lit, une bonne quantité de sommeil est d'une importance cruciale à la fois pour votre santé physique et émotionnelle. Alors, si vous êtes un oiseau de nuit, mais que votre patron vous attend au bureau à 7 heures du matin, il peut être temps de penser à devenir une personne matinale. Et si vous avez du mal à vous coucher à une heure raisonnable, mais certains aliments et mauvaises habitudes peuvent être à blâmer. Ah bon, en tout cas, malheureusement, apparemment, on peut rien y changer. Donc, si on se lève tôt, ben, on va dire, ben, je suis une personne sociale agréable. Je suis pas intelligente, mais je suis sociale agréable. Puis sinon, on va dire, ouais, mais moi, je suis créatif. Je suis bougon, mais je suis créatif. Et c'est ça. Émotionnellement instable. Ouais, c'est ça. On va changer complètement de sujet pour la deuxième nouvelle que tu as repérée. Donc là, mais qui est par contre très, très d'actualité puisqu'il s'agit des sapins de Noël. Donc, il y a des chercheurs qui ont identifié la cause de la chute des aiguilles et propose donc des moyens qui permettraient de doubler la durée de conservation de ces sapins à l'intérieur de la maison, donc de les avoir plus longtemps en verre. C'est ça, exactement. Alors, en collaboration avec le Collège d'agriculture de la Nouvelle-Écosse, des chercheurs de l'Université Laval ont découvert la cause de la chute des aiguilles des sapins de Noël et proposent des moyens qui permettraient de doubler leur durée de conservation à l'intérieur des maisons. Alors, ils ont trouvé qu'une hormone végétale, l'éthylène, était responsable de la perte prématurée des aiguilles chez le sapin baumier. Alors, l'éthylène est produite lorsque la plante est endommagée ou lorsqu'elle manque d'eau. Alors, lorsque le sapin est coupé, privé d'eau et ensuite installé dans un pot rempli d'eau au milieu du salon, la production d'éthylène est enclenchée. Alors, comme l'éthylène est également responsable de la chute des feuilles des arbres et des fruits à l'automne, sa production soudaine peut faire tomber les aiguilles prématurément. Et est-ce que tu sais comment ils ont fait pour découvrir ce phénomène? Alors, ils y sont parvenus en mettant des branches de sapin dans des cuves remplies d'eau qu'ils ont placées à l'intérieur d'une chambre de croissance. Alors, après une dizaine de jours, les branches ont commencé à produire de l'éthylène et, après 3 jours, la chute des aiguilles s'est amorcée. 40 jours plus tard, les branches de sapin étaient complètement dégarnies. Mm-hmm. Alors, pour démontrer que la perte des aiguilles était bien due à l'éthylène, alors les chercheurs ont utilisé 2 composés chimiques qui inhibent la production de cette hormone. Alors, il s'agit du 1-MCP, qui est l'abréviation, en fait, du 1-méthylcyclopropène. Regardez le 1-MCP. Oui, c'est ça. Mais je le dis quand même pour ceux qui seraient un petit peu plus curieux, qui est en fait un gaz, le MCP. Et il y a aussi l'AVG, qui est l'abréviation de l'aminoéthoxyvinylglycine, qui est une substance solide. Alors, après avoir exposé les sapins à l'une ou l'autre de ces substances, les chercheurs ont observé que la durée de rétention des aiguilles est passée de 40 à 73 jours avec le 1, de 40 à 73 jours, oui, avec le 1-MCP, et de 40 à 96 jours avec l'AVG. Mm-hmm. Donc, en fait, pour résumer, là, c'est qu'ils ont exposé, ils ont mis ces inhibiteurs d'éthylène. Ils ont exposé sur les sapins, sur les branches de sapins, et donc ils ont regardé, ils ont observé que les aiguilles perdaient moins leurs aiguilles. Exactement, d'accord. Effectivement. Donc, autrement dit, plutôt que de les perdre à 40 jours, ils les perdaient plus tard, mm-hmm. soit à 73 mm-hmm. ou à 80 jours. Alors, Steve Pépin, qui est le co-auteur de l'étude et professeur à la Faculté de sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, explique qu'au 40e jour, les branches qui avaient été traitées étaient encore vertes, tendres et fraîches, alors que celles qui avaient été non traitées avaient perdu presque toutes leurs aiguilles. Ben finalement, on va faire Noël pendant 2 mois, alors. est-ce que cette découverte pourrait avoir des retombées importantes pour les producteurs des sapins de Noël et puis aussi pour les consommateurs? Ben, le gazage des sapins avec le 1-MCP, en fait, pendant le transport, serait particulièrement approprié pour le marché de l'exportation. En 2008, les ventes de sapins de Noël ont atteint 65 millions de dollars au Canada et la moitié du chiffre d'affaires a été générée par l'exportation de quelque 1,8 million d'arbres vers les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. C'est loin que ça. Oui, tout à fait. Et en France, il se vend aussi 5 millions de sapins de Noël par année. Alors, les consommateurs pourraient, eux aussi, bénéficier de cette découverte en dissolvant de l'AVG dans de l'eau d'arrosage du sapin. Et ce qui, en fait, en prolongerait la durée de conservation dans la maison. Mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, Valérie, la vraie question est, même si la science te le permettait, garderais-tu ton sapin Noël dans ton salon pendant 87 jours? Bah, c'est, à un moment donné, c'est pas qui arrive, et puis là, faut passer au chocolat. C'est ça. Et de plus, avant de commercialiser ces produits, il reste toutefois à démontrer que les résultats obtenus avec les branches seront aussi transposables à l'arbre en entier. Alors, les auteurs présentent les détails de leurs recherches dans un récent numéro de la revue scientifique Trees. Mm-hmm. En tout cas, c'est quand même assez intéressant. Puis aussi, c'est bien de voir des applications concrètes aussi de cette recherche. C'est assez curieux. J'imagine que les chercheurs vont aussi se préoccuper de savoir si c'est dangereux aussi, si cet AVG. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout abordé la question de toxicité des produits. Là. L'AVG, ça semble moins puisque c'est un solide qu'on dissout dans l'eau et qu'on fait tremper finalement le tronc de l'arbre dedans. Donc, c'est un solide qui sera probablement pas volatile. Mais le premier, là, c'est un gaz, donc lui, évidemment, il rentre directement dans les poumons. En milieu fermé, à l'intérieur, c'est sûrement ça, donc, qu'ils vont y réfléchir. Oui, c'est un point à surveiller, effectivement. Ouais. Ben, merci beaucoup, François, pour ces 2 nouvelles quand même assez étonnantes. Merci, ça me fait plaisir.